et quand c'est la guerre, oh, faut mouiller les maillots et quand c'est la guerre, oh, faut suyer pour le géant. Genre t'as encaissé, mais ça c'était le passé. Fais pas l'ancien, on sait que t'es dépassé. Maintenant sur le raté, c'est moi qui a le brassard. T'es dans le placard, tu portes même les dossards. Igo, c'est la guerre, oh, et j'ai pas le temps. Igo, c'est la guerre, oh, j'suis en plein dedans. Ma collage, collage dans la lumière, le corps tu n'as plus l'envie. Ma collage, collage dans la lumière, le corps tu n'as plus l'envie. Ils sont grave, achète, grave, achète, pas t'as t'es pas méchant. Ils sont pas dangereux, pas donneur, pas t'as t'es pas méchant. On va grave manger, pas manger tout en levant majeur. Ils sont grave, achète, grave, achète, pas t'as t'es pas méchant. On va mouiller le maillot et mailler, mouiller le maillot et mailler, mouiller le maillot et mailler. Tout dans le vent majeur. Ils sont grave, achète, grave, on chien, pas tard, c'est pas méchant. On va mouiller les maillots.